Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Samuel Girard qui a disputé son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey hier. Et ça a quand même bien été pour le défenseur natif de Roberval. Il a joué 20 minutes 49 secondes et il a terminé avec une fiche de moins 1. Il y a Frédéric Allard également des Saguenay de Chicoutimi qui a été utilisé également. Il a joué tant qu'à lui un peu plus de 21 minutes et 14 secondes. Et puisque question de hockey, ben Ryan Verbeek a été retranché du camp du Lightning de Tampa Bay. On dit que Verbeek va maintenant se rapporter aux Saguenayens de Chicoutimi. Il devrait jouer sur le premier trio de l'équipe. Il y a maintenant trois joueurs des Saguenayens qui sont dans les camps d'entraînement, soit Dimitri Zoukenov, Vétéri Kalar et Nicolas Roy. On sait qu'on parle beaucoup de hockey dans les écoles. Beaucoup de monde voudrait voir le hockey civil maintenant être transféré dans les écoles scolaires. Hier, on a parlé avec Danny Dufour, qui est le directeur de l'école secondaire des Chutes, à l'école de Dolboum-Sesny. Et Danny Dufour, il mentionne que c'est très facile à dire, mais c'est par contre très compliqué à réaliser. On va l'écouter là-dessus. Et ça, c'est la solution facile vue de l'extérieur. Mais lorsqu'on est dans le monde scolaire, il faut penser à nos réalités aussi. Ouais. Et il faut pas oublier, Danny, que depuis déjà une dizaine d'années, dans la commission scolaire du Pays des Bleuets, les écoles secondaires se sont dotées de projets particuliers aussi. Ouais. Donc, qui amènent déjà un lot de contraintes particulières. Et il faut pas penser... En tout cas, moi, je vois pas comment on pourrait dire, ben, on va prendre le hockey vite comme ça. Faut pas que ça se fasse au détriment de ce qui existe déjà dans les écoles présentement également. Là. OK. Danny Dufour mentionne que transférer le hockey dans des institutions scolaires, ben ça se fait pas comme ça. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération. Ça marcherait, hein? Non. Il y a un paquet de contraintes. Il faut regarder effectivement la faisabilité. Il faut que ça s'inscrive dans l'intérieur des horaires. On a des conventions collectives également. Là, il y a tout l'aménagement des tâches des enseignants. Et un projet comme celui-là, il faut que ça se fasse en partenariat avec l'équipe école. Donc, c'est pas simplement une idée folle de la direction de dire on va entrer une équipe de hockey dans l'école. Ça marche pas comme ça. Il faut que toute l'école, l'équipe école au complet soit mobilisée de la même façon qu'on l'a fait, par exemple, il y a 10 ans, lorsqu'à l'école secondaire des Chutes, on a amené notre programme en concentration de sport et en art de la scène, par exemple. Toute l'équipe école était d'accord, toute l'équipe école s'était mobilisée autour de cette démarche-là, ce qui amène aussi un lot de dérangements. Quand vous augmentez le nombre de périodes en sport, par exemple, ou en hockey, à des élèves, vous devez leur enlever des périodes de matière académique. Okay. Alors, ça a un impact directement sur le nombre de périodes d'enseignement données dans l'école. Et c'est compliqué, là. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air là, à la base. Mais est-ce que ce serait faisable? Dans un dernier temps, Danny Dufour mentionne qu'il ne sait pas si ça pourrait se réaliser. Je ne sais pas, Danny. Je veux pas m'avancer non plus parce que, bon, moi, d'une part, j'ai pas écouté l'entrevue de Mathieu Darche. Okay. Donc, je sais pas de quelle façon cette ligue-là est articulée comme telle. Puis en même temps, on a nos contraintes budgétaires, on a des programmes à faire survivre, je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Moi, j'ai jamais été fermé au projet, jamais été fermé à l'innovation. Cependant, il faut vraiment être prudent. Puis la pire erreur là-dedans, c'est de précipiter. C'est de prendre des décisions précipitées, c'est de dire on va aller très rapidement, on va le faire parce que on a une situation problématique avec une équipe à un niveau. Ouais. À mon avis, ce serait une erreur là. Ouais. OK. Bonne performance de Pierre-Alexandre Bédard au championnat provincial de golf qui se déroulait hier. Pierre-Alexandre Bédard, qui est natif de Chibougamau, a joué 67. Il y a un autre golfeur qui a bien fait, c'est Lucas Dupéré de Dolboum-Sesny. Dans son cas, il a joué 72, il est en 18e position. J'ai invité ta section entrevue de dansdansport.com. Beaucoup d'entrevues hier. On a parlé d'abord avec Marc Fortier de la Coupe du Monde de hockey. Je me suis également entretenu avec Danny Dufour. On parle de la possibilité que le hockey scolaire ou le hockey civil se joigne au niveau scolaire. Également, vous pouvez écouter d'autres entrevues que j'ai réalisées hier dans la section entrevues de danradiosport.com. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.